Et Soupère, qui avait déjà été sauvé du naufrage par deux héritages inespérés, s'imagina que c'en était un troisième qui lui tombait du ciel. Le notaire s'était assis sur le banc à côté de Soupère. « Vous allez prendre un grog ?» dit celui-ci qui n'admettait pas qu'un entretien pût commencer autrement. « Non, non, je vous remercie. »« Si, si, je vous en prie. » Et Soupère appela. « Eulalie !» Eulalie, qui n'était autre que Madame Soupère, parut en camisole et en tablier bleu, les pieds chaussés de savate. Si elle avait 40 ans de moins que son mari le jour de son mariage, aujourd'hui ils étaient à peu près du même âge. « Un autre verre ?» demanda Soupère. Quand le verre fut apporté, il prépara lui-même le grog qu'il offrait au notaire et le fit comme pour lui, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau-de-vie et très peu de sucre. « Eh bien, » demanda le notaire, « nous donnerez-vous bientôt un pendant au croisé ?»« Ah, le croisé, c'était le beau temps. Il y avait des directeurs pour monter les œuvres sérieuses, des artistes pour les exécuter, un public pour les apprécier. Mais maintenant, ah, maintenant !» Longuement, il exhala sa plainte contre les directeurs, les chanteurs et le public, et le notaire le laissa aller. Il ne risqua une question que lorsque Soupère se fut soulagé. « Vous ne laisserez pas d'élèves ?»« Ma foi, non, et c'est heureux. »« Vous en avez eu un, cependant, qui promettait. »« Qui donc ? Vous avez oublié Nicétas ?»« Ah, vous connaissez Nicétas ? Mais Nicétas, qui avait des dispositions, n'a jamais été qu'un virtuose. »« Ah ? Je croyais... Est-ce que s'il avait eu l'étincelle sacrée, il aurait abandonné l'art pour courir les aventures à travers les deux Amériques, se faire mineur, gardien de troupeau, photographe, journaliste, soldat... Et aujourd'hui, prince ? Comment ? Il est prince, Nicétas ? Prince Amourov. Il a donc hérité du titre de son père ? Il paraît. C'est une fière chance. N'est-il pas tout naturel d'hériter de son père ? Quand on est le fils de son père, mais quand on a légalement pour père un homme dont on n'est pas le fils, je trouve que c'est une fière chance d'hériter de celui qui s'est débarrassé de sa paternité. Je ne comprends pas. Le verre en main, Soupère ne demandait qu'à bavarder, et pourvu qu'il pût assez souvent se mouiller la bouche, il ne s'arrêtait que quand son verre était vide. Il raconta ce qu'il savait de la naissance de Nicétas, en réalité fils du prince Amourov, mais légalement fils d'un professeur au conservatoire de Marseille, appelé Clovis Blanc, qui l'avait reconnu. « Eh bien, » dit le notaire, quand Soupère fut arrivé au bout de son histoire, « il paraît que les choses se sont arrangées, car aujourd'hui votre ancien élève est prince. J'en serais bien heureux pour lui, mais est-ce que c'est possible ? Je ne suis pas au courant de la législation russe. » Et comme le notaire avait appris ce qu'il voulait, il quitta Soupère enchanté de l'avoir revu et d'avoir passé quelques instants avec lui. Mais comme il ne fallait pas que le vieux musicien pût croire que cette visite n'était pas fortuite, au lieu de retourner sur ses pas, il continua tout droit comme s'il allait à Versailles. À sa clé, il prendrait la route de Bièvre pour revenir à Paris. Aussitôt rentré, il se mit à son bureau et écrivit à Nicétas. « Prince, j'aurai quelques renseignements à vous demander avant de dresser l'acte dont vous m'avez parlé. Voulez-vous prendre la peine de passer demain jeudi à mon étude, entre 2 et 3 heures ? Je vous serai reconnaissant de m'écrire ce soir même un mot pour me dire si je dois vous attendre. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments de haute considération. Le jeune Est. » Il relut sa lettre. « Prince, se dit-il, haute considération. Enfin, il le faut. » Le lendemain matin, il ouvrit son courrier avec plus de hâte que de coutume. Il s'y trouvait une lettre du prince. « Mercredi soir, 10 heures. Monsieur, j'aurai l'honneur de me rendre demain au rendez-vous que vous m'indiquez et je vous serai reconnaissant de vouloir bien m'attendre. Agréez l'expression de mes sentiments de considération. Prince Amourov. » À 2 heures, Nicétas, que la curiosité rendait exacte, entrait dans le cabinet du notaire préparé à une discussion serrée sur les propositions que celui-ci allait lui transmettre de la part de la comtesse et du comte d'Unières aussi sans doute. Il s'agissait de ne pas se laisser entortiller par la vieille momie. Debout, une main appuyée sur le bras de son fauteuil, l'autre sur son bureau, le notaire était si froid, si raide, si impassible, qu'on pouvait le prendre en effet pour une momie. « Lorsque vous vous êtes présenté dans mon étude, dit-il, Vous saviez, n'est-ce pas, que j'étais le notaire de madame la comtesse et de monsieur le comte d'Unières, ainsi que de la jeune Claude? Je le savais. C'est précisément pour cela que je me suis adressé à vous. Cette franchise est de bon augure. Elle facilitera notre entretien, car je ne serai pas moins franc que vous, et vous direz tout de suite que, notaire de monsieur et madame d'Unières ainsi que de cette jeune fille, mon devoir était de prendre leur défense. Leur défense? Je ne comprends pas. Je vais m'expliquer. Vous m'avez dit, n'est-ce pas, que vous désiriez reconnaître la petite Claude, qui serait votre fille et celle de madame d'Unières. Qui est? C'est avant tout ce que vous devez prouver, en produisant l'acte de naissance de l'enfant d'abord, et ensuite les pièces qui peuvent établir un commencement de preuve par écrit, exigé par la loi, pour poursuivre les recherches de la maternité. Vous avez ces pièces? Nicétas ne put pas ne pas laisser paraître un certain embarras. Je les produirai plus tard. Quand? Lorsqu'il sera nécessaire. Mais il est nécessaire, car si vous ne faites pas cette production, on pourrait croire que c'est parce qu'elle vous est impossible, ces pièces n'étant pas en votre possession. Que m'importe ce qu'on croit ou ne croit pas? Il importe beaucoup dans l'espèce, car dès là qu'on croit que vous n'avez pas ces pièces, on peut être amené à supposer, premièrement, que vous n'êtes pas le père de l'enfant que vous voulez reconnaître, deuxièmement, que madame d'Unières n'en est pas la mère, troisièmement, que cette reconnaissance n'est qu'une spéculation, quatrièmement, que la menace de rechercher la maternité est une intimidation devant aider à cette spéculation. Vous voyez comme tout s'enchaîne. Où voulez-vous en venir? Demanda Nicétas brutalement. À ceci. C'est que dans de pareilles conditions, vous feriez bien de renoncer à cette reconnaissance et à tout ce qui s'ensuit, attendu que tout ce qui s'ensuivrait serait pour vous une source de désagréments graves. Vraiment? Mon Dieu, oui. Voulez-vous avoir la complaisance de m'indiquer quels seraient, selon vous, ces désagréments? Volontiers. Attaqués, mes clients se défendraient, et la première chose que leur conseillerait leur avocat serait de prouver que celui qui se prétend le père de cet enfant est un aventurier. Monsieur, qui, en vue d'inspirer une confiance qu'il ne mérite pas, a usurpé un nom et un titre auquel il n'a aucun droit, qu'au lieu d'être le fils d'un prince russe, comme il le prétend, il est simplement celui d'un professeur de musique de Marseille, appelé Clovis Blanc, qui l'a légitimé par mariage subséquent, qu'au lieu de jouir de la fortune et de la grande situation qu'occuperait le fils du prince Amourov, il arrive, misérable, après un séjour de plus de 10 ans en Amérique, où il a fait tous les métiers, tour à tour gardien de troupeau, journaliste, soldat, et qu'à bout de ressources il n'a inventé cette reconnaissance d'un enfant naturel riche que pour sortir de sa misère, sachant bien à l'avance qu'il n'avait aucune chance de réussir, puisque sa prétention ne s'appuie sur rien, mais espérant par l'intimidation, la menace du scandale, le chantage en un mot, puisqu'il faut l'appeler par son nom, se faire acheter sa renonciation et son silence. Eh bien, monsieur, perdez cette espérance, on ne vous achètera rien du tout, par cette raison que vous n'avez rien à vendre et que nous n'avons rien à craindre. C'est ce que nous verrons. J'en appelle à votre expérience. Entre le personnage que je viens d'esquisser et la comtesse d'Unières, entourée d'estime et de respect, vous sentez bien qu'il n'y aurait même pas de doute. Je vous répète que c'est à voir. Quand j'aurai fait dresser l'acte de reconnaissance avec indication du nom de la mère, quand j'aurai notifié cet acte avec sommation d'avoir à me remettre ma fille, enfin quand j'aurai commencé le procès en recherche de maternité, nous verrons si madame d'Unières restera la femme entourée d'estime et de respect que vous dites. Et nous verrons si vous avez eu raison de vouloir la guerre quand de mon côté je ne demandais que la paix. Encore un mot, le dernier. Quand on se prépare à la guerre, il ne faut pas donner d'armes à ses adversaires. Il prit sur son bureau la lettre de Nicétas et la lui montrant. Et pour commencer, on ne leur livre pas des pièces qui vous placent sous le coup de certains articles du code pénal pour usurpation de nom et de titre. J'ai dit, vous réfléchirez. Cette fois, le notaire ne se leva pas de son fauteuil et n'adressa pas la moindre inclinaison de tête à Nicétas, qui sortit furieux. Positivement, il avait été abasourdi par cette vieille momie en cravate blanche, au parler calme et doux, qui prenait ses arguments dans la loi, comme un chirurgien ses couteaux et ses scalpels dans sa trousse. Que répondre à un homme qui à chaque instant vous parle de la loi et du code? Il ne la connaissait pas, lui, cette loi, qu'on lui jetait dans les jambes à chaque pas. Avec lui, on avait beau jeu. Colin Maillard, aux yeux bandés, il ne pouvait que s'arrêter quand on lui criait casse-cou.